Mélanie a de moi des bras qui bougent tout le temps. Pour bien sucer son pouce, c'est tout plein d'embêtements. Elle pense bien viser, mais dans les yeux ou le nez, l'objet du désir va toujours se ficher. Toine va sur ses 2 ans et il prête pas ses jouets. Quand il va à la crèche, c'est un peu compliqué. C'est pas loin de la baston, il passe sa journée à se les faire piquer d'un regard effaré. La vie bien dure pour tous ces garnements. Quand on y réfléchit, c'est pas facile tout le temps. Faut s'en boire, je vous jure, pour les moins d'un mètre. La vie est pleine d'embûches, il ne faut bien l'admettre. Si moi 2 ans ne marche pas vraiment, car grâce à ses parents, ses mains sont de vrais aimants. Même si tout vient à lui, un jour il se lance, se cogne et tombe un peu, et ça le met en transe. Mélanie a 3 ans, un langage imagé. Derrière les mots précis, on sent la poésie. Le problème, c'est les M avec elles il s'ennuie. Les remplace par des T, ses propos deviennent abstraits. La vie est bien dure pour tous ces garnements. Quand on y réfléchit, c'est pas facile tout le temps. Faut savoir, je vous jure, pour les moins d'un mètre. La vie est pleine d'embûches, il me faut bien l'admettre. Va sur ses 40, trouve pas tout plus facile. Marcher droit, bien causé et prêter ses affaires. Mais à moins d'un mètre, et son enfance docile qui l'attend chaque jour pour nager dans les airs. La vie est bien dure pour tous ces garnements. Quand on y réfléchit, c'est pas facile tout le temps. Faut savoir, je vous jure, pour les moins d'un mètre. La vie est pleine d'embûches, il me faut bien l'admettre. La vie est bien dure pour tous ces garnements. Quand on y réfléchit, c'est pas facile tout le temps. Faut savoir, je vous jure, pour les moins d'un mètre. La vie est pleine d'embûches, il me faut bien l'admettre.